Viens, prends-moi la main et ouvre-moi ton cœur. Viens, prends-moi la main et ouvre-moi ton cœur. Surtout n'aie pas de crainte, près de moi n'aie plus de peur. Si la vie te joue des tours, pourtant je serai là. Je viendrai à ton secours si tu as besoin de moi. Redonne-moi un sourire, le tien vaut de l'or. À l'heure où le monde perd de ses couleurs, toi tu le colores. Plongé dans tes yeux, tu me rends plus fort. Mes bras te sont ouverts si tu as besoin de réconfort. J'écris ce morceau, il est tard, j'essaie de me vider le crâne. J'inspire des étoiles pour raconter ma life sur des notes musicales. Car j'ai peu de temps, faut que tu saches que je tiens à toi. J'ai mis tout ce que je ressens dans mes écrits et dans ma voix. Comme tu vois, beaucoup de choses ont changé. Égaré, je me dirige vers toi, je ne suis plus l'étoile du berger. Perché, la tête dans les nuages, j'essaie de côtoyer les anges. Car le diable seul me prendra en otage. Prends ma main, surtout ne la lâche pas. Ouvre tes yeux à l'avenir, moi je t'ouvrirai mes bras. Enivre-moi de ta voix, délivre-moi de la solitude. Ta présence est l'aile qui permet à mon cœur de prendre de l'altitude. Pour toi j'irai chercher le soleil qui t'a brûlé les doigts. S'il le faut, je ferai de la lune ton deuxième chez toi. Je déposerai la même couronne qu'à ma mère. Sur ta tête, ton cœur restera gravé en moi comme la meilleure de mes conquêtes. Si le chagrin venait à te prendre pour cible, sache que je serais ton pare-balles, te voir souffrir me serait impossible. Si les larmes devaient noyer ton beau visage, je provoquerais la sécheresse pour admirer à nouveau ce paysage. Si la vie nous permet d'agrandir notre famille, je me découperai en morceaux pour être présent pour ton fils ou ta fille. Et si je devais partir sans le vouloir, sache que malgré mon absence sur terre, de là-haut, je serai là pour.